Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des enfants burundais ont été refoulés sans ménagement de la Tanzanie. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale voit dans cette affaire la main de leur employeur chez son voisin de l'Est. Et le tribunal de grande instance de Ngozi a condamné ce mercredi un homme pour vol d'une tablette servant de matériel de recensement par un emprisonnement ferme d'une année et un dédommagement de 3 millions de francs burundais. Les caféiculteurs ayant vendu leur café cerise à la station de dépulpage lavage de Karinzi en commune et province Kayanza ont refusé de percevoir la deuxième tranche du paiement tant que la première n'a pas encore été payée. Et les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac, sont ralentis par la présence des poteaux électriques dans l'emprise de la route. La régie des eaux est interpellée par l'agence routière du Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, se dit inquiet du refoulement de 40 enfants burundais par la Tanzanie. Pour cette organisation, certes, ces enfants burundais avaient été trafiqués à destination de la Tanzanie en provenance des provinces Gitega, Rutana, Ngozi et Karuzi et ont été victimes d'un complot monté de toutes pièces par l'employeur tanzanien, quitte à les refouler sans rémunération. Dans une déclaration sortie ce jeudi, le président de cette organisation, Prime Mbarubukeye, demande au gouvernement de simplifier les formalités d'octroi des documents de voyage qui favorisent la migration irrégulière si elles sont longues. Suivez-le. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONSTW, ton frère, a depuis longtemps lancé des cris d'alarme devant des flux migratoires clandestins et inquiétants des enfants burundais à destination de la Tanzanie, à des fins surtout d'exploitation économique et ou sexuelle. Et voilà pour preuve irréfragable, ce mardi, le 17 septembre 2024, la police tanzanienne a procédé au refoulement, sans aucune autre forme de procès, de 40 jeunes burundais, mêlés de beaucoup d'enfants, et surtout de moins de 18 ans, qui étaient partis en Tanzanie en provenance des provinces Gitega, Rutana, Ngozi et Karusi. Et ces enfants ont été victimes d'un complot de leur employeur qui les a fait refouler et manu militari sans aucune rémunération possible. Et voilà que les 40 enfants ont été accueillis au poste frontalier de Mugina, en commune Mabanda, où 29 d'entre eux y restent détenus sans aucune assistance suffisante en termes de nourriture, en attendant que leurs familles d'origine puissent venir les récupérer, tandis que 3 provinces, selon nos enquêtes, sont en tête, justement, servant de porte de sortie vers la Tanzanie, à savoir la province Makamba, la province Chankuzo et la province Muyinga. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONSW, ton frère, voudrait demander au gouvernement burundais de simplifier les procédures longues et fatigantes d'octroi des documents de voyage au sein du commissariat général pour les migrations, car l'ONSTW, ton frère, a déjà constaté avec amertume que plus l'accès à ces documents de voyage devient difficile, plus certains Burundais, notamment les jeunes, préfèrent voyager sans papier et cela leur coûte la vie à destination. Prime Mbarubukeye, président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale. Un emprisonnement ferme d'une année et un dédommagement de 3 millions de francs burundais, c'est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi contre un homme accusé de vol d'une tablette servant de matériel de recensement. C'était dans un procès de flagrance de ce mercredi après-midi. Son co-accusé, qui était poursuivi pour complicité, a été acquitté et dans ses plaidoiries, le condamné a nié l'infraction de vol, avançant qu'il avait perdu la tablette en question par mégarde. Apollinaire Muzagara. Dans cette audience publique, le parquet a accusé Isaac Miruro de détournement du matériel de recensement, une tablette. C'était en date du 27 août cette année 2024. Le parquet a alors requis à cet homme 10 ans de prison, 100 000 francs d'amende et une contrainte par corps de 15 ans de prison en cas de non-paiement de cette somme. Un autre homme accusé de complicité a été acquitté par le tribunal de grande instance d'Ongoz, même si le condamné avait plaidé non coupable, avança plutôt la perte de cette tablette au lieu d'un détournement. Le tribunal n'a pas été convaincu, d'où sa condamnation à une année de prison ferme, une amende de 50 000 francs ainsi qu'un dédommagement de 3 millions de francs, sans oublier une contrainte par corps de 15. L'avocat de la partie civile avait demandé un dédommagement de plus de 40 millions de francs. Donc Rosy, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara. Le président de la République du Burundi déplore la décision de la société sucrière du Mosso de revoir à la hausse le prix du kilogramme de sucre qui est passé de 3300 à 8000 francs burundais. Il fait savoir qu'il ne comprend pas cette hausse de prix pour les produits faisant objet de subventions et demande à la Socimo de fixer les prix dans l'intérêt de la population. Le président Évariste Ndayishimiye l'a déclaré ce jeudi lors d'une séance de moralisation tenue à Changuzo à l'intention des autorités de la nouvelle province Buhumuza. Suivez-le, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Au sein de la Socimo, on m'avait fait savoir que la société travaillait à perte. J'ai répondu qu'ils ont échoué et qu'ils sont devenus de simples commerçants et pour cela, j'ai dit que la solution était la libéralisation du commerce du sucre. Vous comprenez bien que les dirigeants de la Socimo se préoccupent de leurs intérêts. Ils ne savent pas qu'ils sont là pour faciliter la vie de la population. Madame la ministre, je ne sais pas si tu as déjà mené des enquêtes. Ils nous ont menti qu'un sac de sucre importé coûte 400 000 francs burundais. Je viens de constater que le coût du sac de sucre importé repose sur 10 à 43 000 et pour ceux qui s'approvisionnent en devises sur le marché parallèle. Ce prix était compréhensible pour la Socimo qui s'approvisionne à la Banque de la République du Burundi, que les autorités pensent d'abord à l'intérêt général. Actuellement que nous avons décidé le libéralisme, ils peuvent penser à effectuer un mouvement de grève, qu'ils le fassent. Nous leur avons donné du capital suffisant qu'ils n'ont pas pu rentabiliser. Quand l'entreprise tombe en faillite, il n'y a pas la raison d'être des employés. Nous sommes ici pour servir les intérêts de la population. Comment expliquer que c'est un produit faisant objet de subvention qui devient plus cher? C'est impossible. Que la population soit au centre de toutes nos actions. Le gouvernement du Burundi est appelé à renforcer sa coopération au développement en vue de faire face à la rareté des devises dans le pays. Une des recommandations du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olecom, qui estime cette stratégie comme une réponse à la carence des produits de première nécessité. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, Gabriel Roussiri a déclaré comme préalable la gestion transparente des devises disponibles et l'amélioration du climat des affaires pour rassurer ses partenaires. Et pour ce qui est de la hausse des prix des produits de première nécessité, Gabriel Roussiri recommande comme remède la suppression de certaines taxes et des droits de douane pour certains produits de première nécessité. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac, n'avancent pas au rythme voulu dans certains endroits. Il s'agit des zones où les poteaux électriques sont dans l'emprise de la route et qui doivent être déplacés selon l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage, délégué du gouvernement burundais, qui trouve que cette opération devrait se faire dans les meilleurs délais. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie de production et de distribution de l'eau et de l'électricité, Régie des eaux, dit que tous les concernés s'y penchent pour que ce déplacement se fasse dans les prochains jours. Correspondance de Jean-Pierre Misako. Entre les points kilométriques 88 et 92 sur le tronçon Karonda-Tchabara et entre les points kilométriques 105 et 107 dans la localité de Mukungu, c'est là où des poteaux électriques en bois ou métalliques doivent être déplacés car se trouvant dans l'emprise de la RN3, tronçon Rumonge-Nyanza-Lac en cours de réhabilitation à côté de ceux se trouvant dans la ville de Rumonge, selon les employés de l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement burundais dans son projet. En effet, sur le terrain, sur le tronçon Karonda-Tchabara et surtout près de la réserve naturelle et forestière de Kigwena, le constat est que ces poteaux électriques sont isolés et les travaux se poursuivent sauf au niveau de ces poteaux que la Régie des eaux devrait déplacer dans les meilleurs délais dans la logique du respect des 30 mois prévus à l'exécution de ces travaux. Là où il n'y a pas d'obstacle, les travaux d'élargissement de la chaussée et la construction des ponts avancent normalement selon les employés de l'agence routière du Burundi. C'est notamment le dynamitage de la colline au point kilométrique 114 près d'Ombougo, mais aussi le décapage de la terre végétale et le compactage de la bonne latérite dans les localités de Karonda. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, dit que toutes les parties concernées par le déplacement de ces poteaux électriques se concertent pour son exécution dans les meilleurs délais. C'est ce problème à l'origine de la non-exécution des travaux de réhabilitation de la partie de ce projet située dans la ville de Rumonge, dont le début était prévu dès le 15 septembre courant. Jean-Pierre Misago depuis Karonda, Radio Isanganiro. Et les caféiculteurs ayant vendu leur café cerise à la station de dépulpage lavage de Karinzi, en commune et province Kayanza, affirment n'avoir pas été payés depuis le mois de mars cette année. Ce mardi, ils ont été convoqués par les services de l'Office pour le développement du café du Burundi pour être payés. Ces caféiculteurs ont refusé l'offre, disant avoir été surpris de constater que ce paiement concernait la deuxième tranche, alors que la première n'est pas encore payée. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Patrick Saint-Guillaume. Ces caféiculteurs qui grognent qu'ils ont vendu leur café cerise aux stations de dépulpage et lavage de Karinzi en commune et province Kayanza et qui n'ont pas encore été payés depuis le mois de mars font savoir que le chef d'usine Karinzi leur avait annoncé lundi la semaine en cours que le lendemain ils percevront de l'argent pour leur café vendu. Ces caféiculteurs déplorent alors qu'ils ont été surpris d'être informés qu'ils vont être payés pour la deuxième tranche alors que même la première tranche n'a pas été payée. Ces caféiculteurs qui ont vendu leur café cerise à Karinzi indiquent qu'ils ont été inquiétés aussi de trouver sur les fichiers de paie un signe vu devant l'argent qu'ils devraient percevoir pour la première tranche alors qu'ils n'ont pas eu cet argent-là. Ils demandent l'intervention du gouvernement burundais pour que la question trouve solution, surtout que ces caféiculteurs disent qu'ils ont besoin de l'argent pour l'achat du matériel scolaire et des uniformes scolaires pour les enfants scolarisés. Interrogé à ce sujet, Félicien Nivitanga, superviseur au sein de l'Office du développement du café au Burundi dans la région Nord, celui-ci nous a envoyé au niveau de la direction générale de cet office-là. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiu va pour la radio Isanganilo. Des agriculteurs des provinces Muramvya et Gitega s'inquiètent de ne pas pouvoir avoir des semences sélectionnées de maïs, vu que l'année dernière, ils ont eu de la peine à s'en procurer. Ceux de la commune Taba, en province Gitega, affirment n'avoir pas eu la récolte souhaitée, même s'ils ont pu planter tardivement des semences de maïs hybrides nommées PAN 53. Les directeurs en charge de l'agriculture dans ces provinces les rassurent que ces semences seront disponibles à temps. Un reportage d'Ornella Mucho. Des producteurs de la coopérative Kigori de la commune et province Muramvya s'inquiètent du manque de semences sélectionnées du maïs au moment où la saison culturelle 2025A approche. Ces inquiétudes s'entendent aussi chez certains agriculteurs de maïs de la commune Itaba dans la province Gitega où déplorent que l'an dernier ils ont été obligés d'utiliser des semences de mauvaise qualité par manque de semences de maïs hybride nommées PAN 53. Dans notre commune, ils devraient faire de leur mieux pour disponibiliser les semences sélectionnées à temps. La variété PAN 53, cette année, a été disponible tardivement. Les cultivateurs avaient déjà commencé de s'aimer et ça les a frustrés. Et pour cette année, nous avons déjà entendu que la pluie approche. Or, aucune semence sélectionnée n'est encore disponible dans la localité. Nous craignons que nous serons obligés de se rabattre aux semences de mauvaise qualité, ce qui a été le cas l'année passée. Et les conséquences sont notamment la mauvaise récolte. Par rapport à ce manque de semences sélectionnées de maïs, le directeur provincial en charge de l'agriculture dans la province Muramvya, Ali Kassim, indique que seulement 70 tonnes de semences de maïs sont disponibles au moment où ils ont besoin d'à peu près 260 tonnes. Toutefois, il rassure que malgré cela, ils ne ménagent aucun effort pour trouver et disponibiliser ces semences. Ces semences qui manquent, nous les cherchons en collaboration avec les agronomes et les techniciens agricoles sur tous les échelons. Les agriculteurs font inscrire la nature des semences dont ils ont besoin et ils les paient pour que nous allions les acheter dans d'autres provinces. À côté de cela, il y a des associations collaborant avec les agronomes, je citerai Naseco, où les agronomes peuvent s'approvisionner sur avance et les font vendre à l'endroit des agriculteurs aux chefs liés des communes. Oscar Ndaikunda, en charge de l'agriculture de la province de Gitega, affirme qu'ils ont déjà fait la commande des semences et tranquillise qu'elles seront disponibles à temps. Je vous dirais que l'année agricole 2022, il y a eu des perturbations au niveau de la fourniture de ces engrais. Et pour l'année agricole 2023, nous avons vu que les engrais ont été disponibilisés à temps. Et je pense que pour cette année aussi, et puisque nous voyons que dans les stocks de la FOMI, les engrais sont en train d'être déposé et je pense que donc la population va donc avoir des engrais suffisants et à temps. Le gouverneur de la province de Gitega, Venant Bibonimana, assure que la récolte de maïs a été très bonne pour la saison culturelle 2024A et celle culturelle B, sauf dans quelques communes, notamment Gishubi, Gansolo et Buladza, suite à la faible pluviométrie. En actualité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la fin des violences au Soudan, ravagé par une guerre civile qui dure depuis plus de 16 mois. Mercredi, la crise humanitaire qui frappe durement le pays était au cœur des discussions à New York. La situation sanitaire s'est détériorée avec la saison des pluies. 80% des hôpitaux ont cessé de fonctionner, faute de médicaments. Pour la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, la résolution de ce conflit passe par le respect de l'embargo sur les armes et, selon l'ONU, 9 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Et en marge de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se déroule à Vienne, en Autriche, Nairobi a signé un protocole d'accord avec la Commission américaine de réglementation nucléaire mardi 17 septembre 2024. Ce partenariat doit permettre de sécuriser le déploiement des technologies nucléaires au Kenya. Cette phase prévoit la construction d'une centrale à Uyombo, dans le comté de Kilifi, sur la côte kenyane, d'ici à 2027. Son raccordement au réseau est quant à lui prévu pour 2034. Mais ce projet est rejeté par les communautés locales qui font remarquer que le site choisi pour construire la centrale appartient en effet à une réserve naturelle classée par l'UNESCO. Elle conteste d'ailleurs son choix en justice depuis le mois de juillet 2023. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.